un peu les filles. Allez, ouais, ah. Si vous cherchez la bagarre, regardez-moi bien en face. Elle s'imagine que je lui dois tout. Une femme est aimée dans mes bras. On a tous quelque chose en nous de Tennessee. Allez, tout le monde autour de moi. Salut, c'est Eric, bienvenue dans l'émission Johnny 2 à Z et qui officie le mercredi de 22h jusqu'à minuit. Je suis très heureux de vous accueillir pour cette 565e émission Johnny 2 à Z. On retrouve cette émission sur RIG 90.7 de la bande FM et sur RIGFM.fr. Et ce soir, c'est le premier mercredi du mois. Je vous propose de redécouvrir un Johnny 100% live à la Tour Eiffel. Dans votre émission donc Johnny 2 à Z, vous allez revivre les spectacles de 2000, 2009 et 2011 avec des témoignages radio et de télévision. Je vais m'expliquer d'ici quelques secondes. Johnny Hallyday, un monument sous un autre monument, la Tour Eiffel. Johnny offrit des concerts des plus spectaculaires tout au long de sa carrière, mais certains ont été plus gigantesques que d'autres. C'est le thème de l'émission live de ce soir, Johnny et la Tour Eiffel. Et déjà sous la Tour Eiffel, en 1989, Johnny participa au concert commémoratif des 100 ans de la Tour Eiffel. Johnny y chanta en playback Possible en moto et Mirador. C'était le 16 juin 1989. Mais le plus grandiose arrive, c'était le 10 juin 2000. Le budget de ce spectacle était de 41 millions de francs et les sponsors sont la mairie de Paris, TF1, Universal Music, RTL. Et pour ce show, Johnny et la production n'ont pas touché d'honoraires. Il était prévu au départ un concert défilé partant de l'Arc de Triomphe avec une grande scène mobile en forme de nacelle futuriste pour arriver place de la Concorde. Resté à la préfecture de police à accepter le projet. Et dans le journal Le Point du 8 janvier 2000, le lieu des Champs-Élysées était remis en question. Essentiellement pour des raisons de sécurité par la préfecture de Paris qui préférait que le concert ait lieu au pied de la Tour Eiffel au Champ de Mars. Et finalement, pour des raisons de sécurité, le concert a eu lieu du moins au pied de la Tour Eiffel sur le Champ de Mars. Des écrans géants y étaient installés. Et rarement le lendemain du concert, la presse fut unanime. La recherche des superlatifs fit des ravages. Pour Johnny, il y aura l'avant et l'après Tour Eiffel. Le Figaro titrait une de leurs pages consacrée à Johnny et ses trois photos magnifiques. Il est étonnant et hautement symbolique que Johnny se soit retrouvé au pied de la Tour Eiffel pour célébrer avec faste ses 40 ans de carrière. Et ce, à double titre. Premièrement, tout comme la Dame de Fer, il échappe à l'usure du temps. Deuxièmement, il a largement été contesté à ses débuts. Du coup, il aura fallu pas moins de 3 ou 4 décennies à notre rocker national pour devenir ce qu'est aujourd'hui l'idole de toute la France. Vénéré à droite comme à gauche, par le peuple comme par l'intelligentsia, et surtout reconnu pour ce qu'il a toujours été, un artiste sincère, un phénomène de scène, un formidable interprète capable de transformer un simple texte en tube. Et ce samedi soir, à la fin de son spectacle, lorsqu'il a repris au rappel le « Non, je ne regrette rien » de Piaf, Johnny était manifestement ému d'avoir gagné un pari aussi risqué après le triomphe du Parc des Princes et du Stade de France, et surtout de récolter en échange un tel témoignage d'amour de la part de 500 000 personnes, toutes générations confondues, qui avaient fait le déplacement. Lui seul pouvait se permettre de relever un tel défi parce qu'il a le charisme indispensable pour soulever les foules et aussi le répertoire qui touche les cœurs avec l'intellect. Lui seul, enfin, symbolise cette audace, ce goût du risque, cette générosité qui, depuis 40 ans, ne l'ont jamais quitté et lui donne des ailes. En cette nuit du 10 juin 2000, sa victoire était d'autant plus belle. Il y aura aussi également donc des interviews TV et radio. Le concert avait été présenté en audio avec RTL, présenté par Éric Jean-Jean, et en audiovisuel avec TF1, présenté par Arthur. Vous allez revivre ces moments de présentation de ce grand concert avec en l'extrait Carlos, Éric Bamy, Jean-Louis Aubert, Jean-Claude Camus et Lynn Renaud. En avant tout de suite pour ce concert de l'an 2000, le 10 juin 2000, sous la Tour Eiffel. Bonjour Johnny, merci pour les 10 minutes, ça va bien? La journée s'est bien passée. Comment est-ce que vous vous préparez à une journée comme celle-là et à un événement comme celui-ci? Ben, je ne me prépare pas, je suis cool chez moi. J'ai regardé le tennis cet après-midi. Je suis très fier parce que c'est la journée de la France, parce que Marie Pierce a gagné et j'en suis très heureux. Et puis ce soir, ben, je vais essayer de faire aussi bien qu'elle a fait cet après-midi. J'essaye de rester dans ma loge 10 minutes, un quart d'heure tout seul pour essayer de remémoriser un petit peu tout ce qu'on va faire sur scène et puis bon, puis ça va. Mais moi, ma façon de me concentrer à moi, c'est d'être plutôt avec avec tous mes amis, beaucoup de gens autour de moi. Ça me déstresse un peu. Ouais, je vous ai vu bavarder en effet avec beaucoup de gens et vous promener. À quel moment précis, ce sera ma dernière question, le track va monter très fort? Eh ben écoutez, en montant les escaliers pour monter sur scène. Je vous souhaite un beau concert. Merci d'avoir été avec nous, Johnny. Et on reste nous avec vous toute la soirée. Merci beaucoup. Johnny Hallyday donc qui était avec nous et qu'on va laisser tranquille maintenant puisqu'il va se préparer pour monter sur la scène du Stade de France. Michel Cohen-Solal, j'espère que tu es toujours avec Carlos. Toujours, je te demande de saluer de ma part. J'ai patiemment attendu là à mes côtés. Il savait que Johnny était sur l'antenne. Alors Carlos, on ne pouvait pas imaginer évidemment un concert de Johnny sans ta présence. Ben oui. Ben, j'étais en galère à Amiens avant-hier à Lyon. Je suis arrivé d'ardeur parce que je ne vais pas rater ça, c'est magnifique. En plus, je sais qu'il est en forme. Je viens de voir son petit coach, là, le petit black sympa qui l'entraîne. Je sais que psychologiquement, il est bien, qu'il est en pleine forme physique. Alors, ça va, avec ce temps-là magnifique, qui n'est pas trop chaud et pas trop froid, ça va être superbe. Superbe, superbe, on va s'éclater. C'est peut-être le plus beau truc qu'il aura fait de sa vie. Alors, depuis le temps bon, que tu connais Johnny, hein, ça fait combien de temps? On peut dire quand même. Ben, ça va le vieillir. Ben, c'est-à-dire que j'ai 57 ans depuis quelques mois, lui, il les a dans quelques jours. Oui, on s'est connus, on avait 16 ans, oui, il y a 2 mois. Quoi. Et bon, c'est un bonheur, c'est un type formidable. Puis il est comme le Bordeaux, lui, il se bonifie en vieillissant. Et pour le vin, 43, c'est pas bien, mais alors pour les chanteurs, c'est magnifique. Et puis ce qui est extraordinaire, c'est que depuis l'époque que tu l'as connu à 15 ans, jusqu'à maintenant, il n'a pas changé. Non, non seulement il n'a pas changé, mais il a vraiment évolué du môme qu'il était. Il est devenu un adulte intéressant, passionnant, brillant, pas con, avec un pif, avec une faculté de jugement, de surtout de voir les choses dans l'avenir. C'est vraiment... moi, il m'étonne de plus en plus et je suis très fier de ce qui lui arrive. Tout ce que je lui souhaite, c'est d'avoir gardé cette santé de pour des années encore pour nous faire. Moi j'ai vu des milliers de fois Johnny sur scène, mais je suis jamais emmerdé. De tous les grands moments que tu as partagé avec Johnny, quelle est la plus belle image que tu gardes au fond de toi-même? Oh, c'est des trucs très très privés. Très privés. Oui, c'est des choses qu'on ne peut pas raconter. C'est des choses belles. Quoi. Il m'a prouvé qu'il était un ami. J'ai prouvé que j'en étais un aussi. Ça, c'est des choses assez... C'est des images dont on veut parler. Il y en a des milliers. Michel? Il y a la façon dont il aime son public, qui est vraiment, c'est une grande leçon. Michel? Dont il aime les gens... Oui, Eric. Michel, si tu me permets, si tu peux garder encore Carlos et garder la patience de Carlos. Je suis là en ce moment avec Eric, qui va nous faire la visite guidée. Eric Bamy, bien sûr, inévitable complice de Johnny depuis des milliards d'années, on va dire. Salut Eric. Voilà. Je suis content de te retrouver. J'ai cru voir que l'ambiance était mais particulièrement décontractée. Comment est-ce que vous préparez vous à cet événement? Vous avez l'air de faire les cons tout le temps. Ben oui, enfin, vaut mieux faire les cons quand on a peur. Non, c'est la meilleure solution. Non, il y a surtout une chose, c'est qu'on s'est préparé très fort. Parce qu'avec Johnny, il faut se préparer très fort. Il faut être au top du top. Et moi, je suis parti à Los Angeles et j'ai travaillé pendant 5 semaines avec tous les musiciens que tu viens de voir, qui sont des musiciens de grand talent et surtout des gentlemen, comme je dirais, et qui savent qu'avec Johnny, il faut y aller très fort. Et on a fait ça depuis 5 semaines. Alors aujourd'hui, si tu veux, ce qu'on voudrait, c'est simplement donner au public... même s'il y a la pluie, on l'a déjà fait. Ça y est, on est OK. Pour la pluie, Vous êtes prêts pour la pluie, ouais. En ce qui concerne la pluie, il n'y a pas de problème, mais il n'y en aura pas ce soir. Mais il y a surtout une chose qui est très importante, c'est le respect de tous ces musiciens américains qui ont joué avec des grandes stars et qui jouent ce soir avec Johnny Hallyday parce qu'il le respecte. C'est une grande star. Et qui est une grande star. Et je crois qu'il le considère encore autrement parce qu'il le considère comme une légende surtout, plus qu'une star. Et ils sont prêts à donner le maximum. Et on est tous prêts à donner le maximum, et moi aussi en ce qui me concerne. Je t'ai vu au répète, Eric, j'ai vu la manière dont tu maîtrisais les choristes, chaque note, etc. C'est aussi ton spectacle. Mais oui, parce qu'il faut être précis, tu sais, il faut pas se moquer des gens. Je crois qu'il faut aller très fort, très haut, pour que les gens aient du plaisir et pour qu'ils aient du rêve, et c'est du rêve qu'on veut leur donner ce soir. Ouais. Le rêve avec en plus le rêve avec en plus la bonne humeur. Voilà. Merci beaucoup Eric. Excuse-moi pour les auditeurs, mais tu vois tout le bordel qu'il y a en ce moment dans les loges, mais ça promet un grand moment. Bah tant mieux. Et merci beaucoup Eric, je vous laisse vous préparer. Voilà, il me disait le bordel qu'il y a dans les loges. En fait, bordel sont des gens qui sont détendus, qui sont de bonne humeur, qui sont terriblement contents d'être là. Voilà, je repasse à un mètre de Johnny qui est en train de bavarder cette fois-ci avec Philippe Labro, avec deux autres amis. Samuel, cette fois-ci, je suis avec Jean-Louis Aubert. Salut Jean-Louis. Salut. Je suis content de te retrouver sur cette scène. C'est pas la première fois que tu chantes avec Johnny. On a chanté une fois il y a une dizaine d'années. On avait chanté Argent trop cher à la taverne de l'Olympia, ça s'appelait. C'était déjà une émission avec RTL, si je me souviens bien. Oui. Présenté par Johnny d'ailleurs. Et alors raconte-moi, comment ça s'est passé? Comment ça se passe quand Johnny a envie de t'avoir sur une scène? C'est lui qui t'a appelé? Ouais, tout à fait. J'étais très touché. Salut Jamel. Jean-Louis, quelle chanson tu as donc il t'a appelé Johnny, c'est ça? Et ensuite on t'a envoyé un tracklisting de chansons. Il y a 6 mois, il m'a dit tu devrais venir jouer avec moi un jour, peut-être bien sur les champs. À l'époque ça devait être sur les Champs-Élysées. J'étais très touché. Il y a 3 semaines, on m'a appelé, on m'a dit Johnny voudrait que tu viennes chanter. Et là? Et alors là, bah oui, il y a eu un listing de chansons, j'ai un peu eu tout le répertoire et c'était vraiment pas facile. Parce que j'avais dit ça un peu en l'air et c'est des chansons pas faciles à chanter à côté de lui. Et je chante une vieille chanson de lui qui s'appelle Fils de personne. Alors justement, je t'ai vu le faire tout à l'heure avec Catherine Ringer des Rita Mitsouko qui te faisait répéter la phrase, il faut que tu la refasses à la radio. Alors qu'est-ce que tu dois chanter, vas-y. Vas-y. Je dois chanter qu'il y en a qui sont nés avec dans leur berceau les milliards de leur père. Ça y est, t'as un trou. Un trou. Attends, tu vas nous la refaire. On recommence, vas-y. Non, ils sont nés avec les milliards de leur père et on leur apprend que les affaires sont les affaires. Mais pas moi. Moi, je suis pas né milliardaire, ça c'est vrai. Je suis fils de personne. Merci Jean-Louis. Je te souhaite une bonne soirée. A tout à l'heure Jean-Louis, merci beaucoup. C'est maintenant dans moins de 15 minutes que Johnny Hallyday montera sur la scène face à près d'un million de personnes. Et j'ai à côté de moi celui qu'on a reconnu tout à l'heure aux côtés de Johnny Hallyday lorsqu'il remontait les Champs-Élysées. C'est l'ami depuis 25 ans et le producteur Jean-Claude Camus. Bonsoir Jean-Claude. Bonsoir. Alors après le Parc des Princes, après le Stade de France, maintenant un nouveau défi, la Tour Eiffel. Et oui, c'était un rêve de Johnny. Le rêve était d'offrir un concert gratuit à tous les Parisiens et à la France puisque vous le retransmettez en direct. Le rêve se concrétise, se réalise et en plus on a une magnifique soirée, donc je crois que ça va être une très très grande fête. Alors parlez-nous un peu de ce spectacle. D'abord techniquement, on sait qu'il va y avoir une lumière magnifique et qu'il va y avoir des feux d'artifice. Dites-nous, mettez-nous un peu l'eau à la bouche. Écoutez, Jacques Roverlis s'est rendu fou sur ce spectacle, Molière quand même, cette année de la lumière. Je lui ai donné des moyens techniques qu'il n'a jamais eu en France, ça c'est quelque chose de clair. Les lumières partent quand même du champ de l'école militaire. Nous allons également éclairer jusqu'à la tour Montparnasse. Vous voyez la distance, combien ça fait de kilomètres de la tour Eiffel. La tour Eiffel, on va s'en servir, va faire partie du décor. On a beaucoup d'artifices, on a un énorme budget d'artifices qui va, je pense, ravir tout le monde. Je crois que on le dira après. C'est un peu difficile à moi de vous le dire avant, mais je crois qu'une fois de plus, Johnny aura gagné son pari. Et alors on voit à l'image Jacques Roverlis, donc le directeur de la photo, qui va donc éclairer la Tour Eiffel, qui va éclairer le Champ de Mars, et ses fans qui sont venus nombreux soutenir Johnny Hallyday, qui fêtera à sa manière son anniversaire dans une semaine. Alors le 15 juin, ça va être un autre spectacle, alors quelque chose encore d'assez étonnant, parce qu'il y a une multitude de vedettes qui sont annoncées pour venir chanter avec Johnny. Dans l'ordre ou dans le désordre, ils viennent en tête tout de suite, confirmer Michel Sardou, Patrick Bruel, Pascal Obispo, Paul Person, enfin, il y a Laurent Gérard qui va venir faire quelque chose avec Johnny. Alors justement Jean-Claude, vous parlez là des personnalités qui vont venir le 15 juin, je crois qu'il y a des surprises ce soir sur la scène. Ah bah ce soir oui, on a la petite Sonia Lassen qui est un grand moment d'émotion avec magnifique 16 ans. Vous avez Rita Mitsouko, c'est assez inattendu avec Johnny. Non, dites pas plus Jean-Claude, laissez un peu de surprise pour les fans. Alors on a parlé des moyens techniques, c'est vrai qu'il y a aussi Gérard Pulicino, il y a 26 caméras qui vont retransmettre ce spectacle sur TF1 et en simultané sur RTL. Qu'est-ce qu'on dit cette année? Je pense qu'il va pas pleuvoir, on va faire un point météo dans un instant. Qu'est-ce qu'on dit? On croise les doigts. Ah non, mais la météo, on n'a strictement aucun problème. Je viens encore de voir l'affiche jusqu'à ce soir, 2h du matin. Nous n'avons aucun problème. Il fait beau, il ne fait pas froid. On va pouvoir taper dans les mains. On va pouvoir chanter avec Johnny. Ça va être formidable. Et merci Jean-Claude encore de nous avoir accordé quelques instants avant le démarrage de ce spectacle. Mais il a quand même mis un blouson avec une capuche, hein, Jean-Claude, ce soir. J'aimerais que l'on accueille celle qui, je me trompe pas si je dis, qui est responsable de tout ça, puisqu'il y a 40 ans, pratiquement jour pour jour, Madame Lynn Renaud, bonsoir, a découvert Johnny Hallyday. Merci, mais je ne suis pas responsable. Le premier responsable, c'est Johnny. Il avait 17 ans, il avait une chanson qui s'appelait « Laisse les filles » et il était très timide. Alors, je lui ai dit, je l'ai présenté à la télévision. Je savais que c'était une star, mais jamais, jamais j'ai envisagé ce qui arrive ce soir. Alors, tout à l'heure, justement, Aline, je vous ai vu, vous avez eu un petit moment de tendresse avec Johnny. Il vous a dit quelque chose à l'oreille, qu'est-ce qu'il vous a dit ? Il m'a dit, t'as pensé ça il y a 40 ans ? Mais vous savez, Johnny n'a jamais triché. Il se remet toujours en question. Il aime son public et c'est extraordinaire et c'est pour ça que son public l'aime. Et toutes les générations depuis 40 ans, c'est fantastique et c'est unique. Eh bien écoutez, Lynn, vous pouvez être fière de votre poulain. Merci mille fois. Bon concert alors, bon spectacle. Il y a pratiquement, enfin, je vous dis ça à vue d'œil parce que c'est complètement impossible de dire combien nous sommes à assister à ce concert. On annonce dans les, on va dire, allez, 900 000 personnes, peut-être 1 million. La scène, 25 mètres d'ouverture, 20 mètres de profondeur. De chaque côté, il y a un écran de 50 mètres carrés, des écrans reliés de même forme qui sont pratiquement au milieu de cette foule. Et là, c'est la musique d'intro que vous entendez en fond. Voilà. Au fond de la scène, une espèce de boule argentée, énorme, qui est éclairée avec des flashs bleus. La scène est très métallique d'ailleurs, pour ceux qui avaient pu voir des images ou pour ceux qui avaient vu le concert des Rolling Stones il y a 4 ans à l'Hippodrome de Longchamp. C'est un peu une scène dans le genre avec deux grandes grues de chaque côté, d'où sont suspendus des projecteurs, les musiciens sont en train de s'installer d'ailleurs, avec de grands échafaudages qui tiennent des millions de lumières. Nappe de synthé pour l'instant. Alors on peut voir du monde quasiment jusqu'à l'école militaire. C'est très impressionnant. Sont prévus des invités, évidemment, vous le savez, on en a parlé sur RTL. Une chorale de 80 personnes, dirigée par Pierre Molly. Un octuor, 8 cordes, le tout, pour un budget de 41 millions de francs. Johnny va commencer, c'est un secret pour personne, par la chanson Allumer le feu, qui était la chanson emblème du Stade de France. Pour l'instant, la boule est fermée. Et tout à l'heure, nous devrions assister à de la pyrotechnie. Les musiciens sont en train de se préparer. Tous sont habillés de couleurs assez colorées. Je rappelle que si vous voulez l'image et que vous pouvez brancher un écran de télé, gardez la radio et mettez-vous sur TF1. Nous sommes en simultané. Les musiciens sont en coloré, je vois le bassiste, chemise bleue. Attention, la boule est en train d'exploser. Voilà. Spectacle pyrotechnie, la boule explose. Johnny a les bras écartés. Ça y est, le concert de la Tour Eiffel 2000 est lancé. geste, il suffira d'une étincelle, oui d'un mot d'amour, pour allumer. se terminer. Au maximum, mais après tant pis. Et les secondes qu'on leur rende, moi quand j'attends, c'est l'heure. Là se terminer. Oh oui, là se terminer. Par le barman abruti qui me raconte toute sa vie, mais lui seul, il me donne un petit mot où je lis que tu t'es fini. Oh oui, que tu t'es fini. Un charpentier, si tu t'appelais Marie, faudrait-tu alors m'épouser et porter notre enfant? Ma maison ne serait pas le palais d'un grand roi, je l'aurais construite pour toi, seul avec mes mains. Tu dois être forte, mais quand notre fils sera un homme, il aura beaucoup à faire. Ouais. Charpentier, si tu t'appelais Marie, oui, mes mains seraient sèches et dures, et les tiennes si fragiles. Oui, les hommes et leur corps viendraient la nuit pour tuer, nous fuirions dans le désert, cacher le nouveau-né. Si tu t'appelais Marie, en voudrais-tu alors m'épouser et tout recommencer? Voudrais-tu alors m'épouser et tout recommencer? Je suis plus dur que tu ne crois. Ne te sers pas de souvenirs. Joue pas C'est érigé la radio de Johnny Hallyday le mercredi de 22h jusqu'à minuit. Et ce soir, émission spéciale live, la Johnny à la Tour Eiffel. On le retrouve toujours à la Tour Eiffel de l'an 2000, le 10 juin 2000. J'aimerais vous entendre accueillir mon ami Jean-Louis Aubert. J'ai crié. vous écoutez Érigé, la radio de Junaïdé le mercredi soir de 22h jusqu'à minuit. Et là, ce soir, on écoute Junaïdé en live, les années 2000, 2009 et 2011. Nous sommes actuellement sous la DRFL, bien entendu, vu que c'est le thème de cette émission. Nous sommes le 10 juin 2000. Voici Aimer Vivre. C'est écrit dans tes yeux quand tu parles de ta vie. C'est écrit dans tes rêves, dans tes moindres envies. Cette force qui te porte, moi j'en ai besoin aussi. C'est écrit quand tu danses et quand tu fermes les yeux. Rien de ce qu'on avoue. Si c'est ton cœur qui bouge, c'est ton cœur qui fait tout. Je te vois changer, je veux te voir bouger, je veux te voir crier ton plaisir. Je veux te voir vibrer et te voir te lever. rien, ni le bien. Chacun mes plaisirs, je n'ai plus besoin de balayer mes amours avec leurs trémolos, balayer pour toujours, je repars à zéro. Le 10 juin 2000. Merci du fond du cœur. C'est trop beau pour le croire, et pourtant c'est vrai et on l'a fait. Vous êtes formidable, merci pour ça. Et Johnny remettra le couvert le 14 juillet 2009 sous la Tour Eiffel. 700 000 spectateurs se sont rassemblés au Champ de Mars à Paris pour le méga concert gratuit de Johnny Hallyday selon la préfecture de police. Le producteur du chanteur, Jean-Claude Camus, évoque lui 1 million de spectateurs. Par le nombre de spectateurs et le caractère officiel du concert, qui fêtait aussi les 120 ans de la Tour Eiffel, le Champ de Mars de Johnny constituait le point d'orgue de sa tournée annoncée comme la dernière. Pour sa dernière tournée, Johnny a tenu à ce concert gratuit. J'en ai rêvé dès l'an dernier. Les places de concert sont toujours trop chères et Johnny est content de retrouver son public gratuitement, a dit le producteur et tourneur Jean-Claude Camus. Ce sera un grand moment, peut-être le plus grand de sa carrière, a-t-il dit, avant le coup d'envoi du concert. Le choix de l'artiste s'est fait conjointement entre l'Élysée et le ministère de la Culture, mais il s'est imposé de lui-même cette année avec la tournée d'adieu de Johnny Hallyday, chanteur préféré des Français, a dit le ministère, ajoutant que le coût final n'était pas arrêté sans démentir le premier chiffre de 1,9 million d'euros paru dans certains médias. Selon Jean-Claude Camus, Johnny Hallyday a considérablement réduit son cachet pour rendre l'événement possible. Et dès le milieu de l'après-midi, le Champ de Mars sur les 900 mètres de pelouse qui sépare la Tour Eiffel de l'école militaire a fait le plein sous le soleil et malgré quelques nuages de plus en plus menaçants, une foule immense avait pris d'assaut l'esplanade transformée en gigantesque espace de pique-nique et de farniente. Johnny Hallyday avait souhaité que le spectacle soit le même que celui de sa tournée en cours, qui avait fait escale à Monaco le 19 juillet et devait se terminer en 2010. Seules les 30 minutes d'un tableau acoustique dévolu aux années 60 ont été annulées pour permettre au feu d'artifice d'être tiré à une heure encore familiale, à 22h45. L'immense phénix métallique aux yeux rouges lumineux, symbole de ce tour 66, a déployé ses ailes sur toute la largeur de la scène. Le rocker national a été précédé sur scène par le chanteur Christophe Maé, oui, d'accord, ouais, et la soirée s'est terminée sur un spectaculaire feu d'artifice de 30 minutes qui marquait à la fois donc le 14 juillet et les 120 ans de la Tour Eiffel. Le concert a été présenté par RTL avec Éric Jean-Jean et Anthony Martin, et on va entendre des interventions de Jean-Claude Camus, de Mireille Dac, de Michel Vankelevitch, Laura Hallyday et celle de Johnny, bien entendu. Ce qui me fait plaisir surtout, c'est de faire mon spectacle pour les gens gratuitement, et tous ceux qui ne peuvent pas se payer des tickets de spectacle peuvent me voir gratuitement, et ça je crois que c'est un cadeau pour les Parisiens et puis pour les Français qui sont de passage à Paris, qui me fait vraiment plaisir de participer à ça en tout cas, voilà. 17 minutes de Unplugged, ouais. Plus les cyclistes, c'est 7 minutes. 7 minutes, on a 24 minutes. Voilà, 7 heures. Puisqu'il nous faut qu'on fasse 2 heures. Je crois qu'on raccourcit au intermédiaire ouais, qui faisait 7. Normalement, il devrait faire 5. Parce que le plus vite, voilà. Ils auraient raccourci à 5. C'est le temps qui change. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, je vous le disais pour ceux qui étaient présents avec nous ici au Champ de Mars avant qu'on commence cette émission de radio, mais nous avons quelqu'un qui fête un anniversaire extrêmement particulier car il y a 50 ans, c'était le premier concert qu'il organisait. Cet homme-là, ce grand homme-là s'appelle Jean-Claude Camus, il est à côté de Charlotte Pozzi. Bonjour Charlotte. Exactement, bonsoir Eric, bonsoir à tous. Je suis à côté de Jean-Claude Camus, producteur heureux, très heureux ce soir. Écoutez, moi je baigne vraiment dans le bonheur, c'est... Avoir toute une vie consacrée à Johnny Hallyday, c'est on peut pas trouver mieux. On a fait des spectacles merveilleux, je crois. Et aujourd'hui, Johnny offre ce spectacle à ce million de spectateurs, car à la préfecture maintenant, on nous annonce 1 million de spectateurs. Applaudissez-vous. 1 million de spectateurs qui vous chantent un joyeux anniversaire. Oui, aujourd'hui, c'est un anniversaire en plus. Et passer mon anniversaire avec Christophe Maé, avec Johnny Hallyday et avec vous tous, les fans de Johnny aussi fidèles, c'est une simple merveille et un bonheur dans ma vie. Toute petite question, Jean-Claude Camus, vous étiez où il y a 50 ans, jour pour jour, le 14 juillet 1959 ? J'étais exactement à Conches, dans l'Eure, près de mon pays natal, Beaumont-le-Roger. Et vous y faisiez quoi ? Eh bien écoutez, je produisais un artiste, un spectacle de variété avec des noms qui vont strictement vous dire rien aujourd'hui. Mais la vedette du jour, c'était Joël Verdana, voilà. Ce soir, c'est Johnny Hallyday, dernier grand concert en plein air. Ça aussi, c'est particulier. Ah oui, c'est toujours une émotion parce qu'on a le compte à rebours est commencé et c'est vrai que c'est le dernier concert de plein air. Les stades sont terminés. Johnny nous a donné un grand plaisir puisqu'il y a quelques jours, il nous a annoncé qu'il était d'accord de prolonger sa tournée et on va donc le retrouver non pas en janvier mais en février à Bercy. Et on peut acheter les places dès demain. Je peux même vous préciser que ce seront les 9 et 10 février prochains, mise en place des ventes dès demain 10h, donc à mon avis dépêchez-vous parce qu'un Bercy c'est 17 000 personnes et c'est vite rempli. Vous transmettez Charlotte toutes mes amitiés à Jean-Claude Camus. Très belle soirée Jean-Claude Camus, merci beaucoup. Merci à vous tous, merci. Soirée exceptionnelle, nous sommes sur RTL, on est en direct et le compte à rebours a commencé dans 20 minutes maintenant. Johnny sera sur la scène sur laquelle je me trouve en ce moment et Jean-Claude Camus nous le disait tout à l'heure, il y a 1 million de personnes. Vous savez qu'il y a beaucoup de gens derrière le poste qui n'ont pas la chance d'être à nos côtés et qui aimeraient bien vous entendre leur dire bonjour. Est-ce que je peux compter sur vous ? Voilà. Ça, c'est la fête que va nous offrir Johnny Hallyday tout à l'heure. Alors, cette scène, vous savez que c'est une scène assez exceptionnelle. Je ne sais pas si Anthony Martin m'entend. Cette scène, on peut la décrire pour ceux qui sont à la radio avec nous. Je suis exactement sous les griffes du phénix, Anthony. Tu nous avais raconté la hauteur de ce phénix et la grandeur de cette scène. Hein. C'est vrai que Johnny tenait à ce qu'un aigle géant surplombe la scène comme pour le protéger. Voilà, c'est son animal protecteur. Mmh. Et cet aigle prend une dimension particulière ce soir. Juste au pied de la Tour Eiffel, c'est gigantesque. Très belle cette soirée, tout comme Mireille D'Arc est à mes côtés. Tout à l'heure, on va retrouver Christophe Maé avec Anthony. Bonjour Mireille D'Arc, vous êtes une fidèle de Johnny, un vieil ami. Oui, une très ancienne amie, oui. Très ancienne amie. Qu'est-ce qui vous plaît le plus d'ailleurs? C'est Johnny l'acteur, c'est Johnny le performeur, c'est Johnny le chanteur? Oh, c'est un ensemble de choses. Mais là, ce soir, on va vivre une messe populaire ensemble. Ouais. On va déborder d'amour, et pour Johnny, et automatiquement, l'amour qu'on aura sera pour les autres aussi. Je vous ai vu arriver en même temps que Johnny. Vous étiez avec toute la bande chez Johnny dans l'après-midi. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est rien passé de spécial. On s'est réunis pour partir tous ensemble, et Johnny a reçu ses invités. Laetitia est allée se préparer. On était en famille, c'est tout. Merci beaucoup Mireille D'Arc, et je vous souhaite une bonne messe populaire, comme vous le dites. À bientôt. Au revoir. Au revoir, merci mille fois. Johnny est à quelques mètres dans sa loge, toujours enfermé dans cette caravane couleur aluminium. Il n'a souhaité voir personne. C'est-à-dire que Johnny est arrivé vers 18h15, 18h20 sur le site, Eric. On avec l'a vu à la cantine, effectivement, autres. Avec Mickey Rourke, que je vais aller approcher. Même pas peur, je vais le faire. Bon, bah, très bien. Pendant ce temps, moi je vais dire bonjour à un ami de Johnny que tu connais bien, Anthony, qui s'appelle Michel Yankelevitch. Alors, quand on parle de coulisses, quand on parle d'ombre, voici l'un des plus proches amis de Johnny. Michel, c'est une histoire d'amitié de combien de temps avec Johnny? Ça fait plus d'une quinzaine d'années, je crois. Ouais, et 15-16 ans. Et aussi une histoire de travail, parce qu'ensemble, en fait, tu représentes, j'allais dire, l'image de Johnny. Disons qu'on le filme et qu'on le suit et qu'on travaille avec lui régulièrement, tous les jours presque. La plupart du temps, quand on voit des images et des belles images de Johnny, c'est ton équipe, ce sont tes équipes qui les font. Comment est-ce qu'on filme Johnny? Comment ça se passe? Il faut se faire discret, Michel. Oui, il faut pas qu'il sente que la caméra est proche de lui. Il faut pas qu'il y ait de pression. Puis il faut qu'il ait envie. Il y a des jours où il a pas envie. Ouais. Mais on fait aussi les clips avec lui. Donc là, c'est un autre travail. L'avantage avec lui, c'est qu'on fait plusieurs choses. On fait des concerts, on fait des clips. Et on fait des documentaires. Donc on a un peu tous les registres. C'est intéressant d'ailleurs. Ouais, et quand je vous le disais, à chaque fois, vous voyez de belles images, oui, concerts, clips et donc documentaires. D'ailleurs, vous êtes en train d'en tourner. Hein, quand est-ce que ça va sortir ça? Parce que j'ai vu des caméras partout. À mon avis, il va y avoir de belles images. Oui, ce soir, on a mis pas mal de caméras. Mais en fait, en même temps, il y a 1 million de personnes sur la pelouse en face de la Tour Eiffel. Donc il fallait beaucoup de caméras. Mais oui, on fait un documentaire qui sortira, je crois, au printemps, à la fin de la tournée. Merci beaucoup. Merci Michel Yankelevitch. Yanké pour les copains. Rappelez-vous bien de ce nom. Ça fait partie des 13 intimes de Johnny Hallyday. Anthony est toujours près de ses caravanes de métal, je crois. Est-ce que tu t'es approché de Mickey? Alors, non, j'ai perdu Mickey. J'ai vu plutôt Emini, mais je ne l'ai pas vu. Mais je ne désespère pas. Je suis donc devant la caravane. C'est une scène impressionnante quand même. Ah oui, non, c'est sûr. C'est vraiment très impressionnant. Donc là, les musiciens passent les uns après les autres. Ils se dirigent de leur caravane vers la scène. Je suis à mi-parcours. Je les vois passer là, les uns après les autres. Pour l'instant, c'est la section de cuivre, les saxophonistes américains qui rejoignent peu à peu la scène. Johnny est toujours dans sa loge. Je vous disais tout à l'heure, Johnny est arrivé sur le site à 18h15. Il a vu, il a aperçu la marée humaine. Pourtant, il le sait, puisque en l'an 2000, il s'est déjà produit ici. Et il a été tout d'un coup victime d'un bon coup de stress, comme on dit. Oui. D'après ce que Laetitia me confiait, il est donc rentré dans sa caravane et a fait passer le mot d'ordre. Il ne voulait voir personne pour se concentrer. Toi qui connais bien Johnny, c'est quand même très rare qu'il ait un coup de stress. Oui, effectivement. Mais là, c'est vrai que c'est très très impressionnant. La Tour Eiffel, 800 000 personnes, ça doit effectivement lui rappeler un souvenir très intense en émotion, puisqu'en l'an 2000, il y était. Oui. Et Johnny donc a refusé. Voilà pourquoi on vous avait promis sur l'antenne d'entendre Johnny. Bon, on a respecté son choix. Il a voulu se concentrer pour donner le meilleur à son public et évidemment pour donner le meilleur aux auditeurs, puisque je vous rappelle qu'on est évidemment ensemble pour suivre ce concert en direct et en intégralité. Et ça va démarrer dans quelques instants maintenant, Anthony et Eric. Oui, Anthony, je crois, vient de voir sortir le grand. Tout à fait, je suis devant la caméra, devant sa loge. Et Laura passe à l'instant devant moi. Laura, bonsoir. On est en direct sur RTL. Un petit mot? J'aime mon père, voilà. Et vous êtes là, évidemment, vous étiez là au Stade de France et vous êtes là à la Tour Eiffel pour le soutenir. Je ne devais pas venir et puis au dernier moment, je n'ai pas pu résister. Voilà, c'est mon père, c'est mon sang. Et ça va être le plus beau 14 juillet au monde avec lui. Un cri d'amour de Laura Smet. Merci Laura et bon concert. Anthony, voilà ce qui va se passer. Et pour expliquer à tous les auditeurs comment ça se passe. En fait, sur l'un des côtés de la scène, il y a ces fameuses caravanes dont parlait Anthony. Un chemin qui mène à la scène. Et Anthony est sur ce chemin devant la loge de Johnny. Quant à moi, je suis sur la scène en backstage avec les musiciens qui sont en train, pour les uns, de... Tu sais, cette section cuivre absolument incroyable. Ah oui, Anthony, je les ai vus passer, ils sont incroyables. Et ils étaient là d'ailleurs avec Johnny en l'an 2000, hein, au mois de juin 2000. Cette section de cuivre accompagnait, voilà, Johnny s'apprête, voilà, Johnny sort de sa loge. Alors on va vous faire vivre en direct sur RTL. Il descend les quelques marches. Johnny est maquillé, bien sûr. Il fait un petit bisou à Laetitia. Je vais essayer de m'approcher. Voilà, Johnny fait une bise à Laetitia. Il pose pour quelques photographes. Johnny, une bouteille d'eau à la main. Et oui, je vais bien. Voilà, Johnny qui m'interpelle. Je vais essayer de le voir, de m'approcher. Il y a beaucoup de photographes, vous imaginez, qui sont en train de le photographier. Laetitia est là. Elle lui dit au revoir. Johnny, nous sommes en direct sur RTL. Un petit mot avant de monter sur scène. Comment vous sentez-vous ? Et très bien, et toi ? Ben, je vais bien aussi, je suis ravi de te retrouver, voilà, après Los Angeles, Paris, le Stade de France et la Tour Eiffel. Ben oui, ben, maintenant il manque plus que quoi, la Lune. Sur la Lune, rendez-vous dans quelques années. Ben, peut-être. Ils sont chauds bouillants, ils vous attendent, Johnny. Voilà, Christophe Mahé vient vous saluer. Il a été bon, il les a mis en forme. Il est bon tous les soirs. Il est bon tous les soirs. Vous avez hâte, ça vous rappelle des souvenirs ? L'an 2000, vous étiez là. Ça me rappelle l'an 2000, surtout, oui. C'est super, c'est... Je trouve ça très touchant d'être là ce soir et puis bon, ben on est là, le public est là, donc tout va bien. Merci Johnny. Voilà Johnny qui a accepté gentiment de nous dire quelques mots en direct à la sortie de sa loge et maintenant il va se diriger en habit de lumière avec sa veste, vous savez, sur laquelle sont piquées des petites roches, des pierres de roches de diamants qui éclatent dans la lumière. Il va se diriger vers l'arrière de scène, escorté par sa fidèle équipe avec ses gardes du corps qui sont là. Christophe Mahé est toujours en train de lui parler à l'oreille. Hein, voilà. Et alors ça... et Johnny est en train de lui demander alors comment ils sont et tout ça. Voilà. Vous savez, on a toujours besoin de conseils. Est-ce que vous venez de vivre sur RTL ? On peut le vivre qu'avec Anthony qui a une vraie proximité avec Johnny. Je crois il que t'es fidèle, le seul Johnny, journaliste ouais. à avoir pu lui parler là avant, ouais, avant ouais, que ouais. ça commence. Il est fidèle, Johnny. Ouais. Il est, voilà, il nous a beaucoup donné ces derniers mois et on a compris qu'il ne voulait pas nous parler jusqu'à ce moment-là. Il se concentrait, il se réservait et il a quand même accepté de nous dire quelques mots sur RTL. Bon, alors là maintenant, je suppose que nous allons vivre ensemble le début de ce concert. Voilà, Johnny est à quelques mètres de la scène hein, maintenant. Ouais, il arrive. Et je vois arriver Johnny avec son magnifique habit de lumière, accompagné de Bernard Schmitt. Johnny, un tout petit peu, voilà, en train de souffler. Vous entendez les cuivres qui lui jouent une Marseillaise. Et Johnny est au garde à vous. Johnny se met au garde à vous pendant que la Marseillaise est jouée. Voilà, ça c'est un vrai moment de backstage que vous êtes en train de vivre. Johnny, si vous êtes face à la scène, est en train de traverser la scène. Et il va, si vous êtes face à la scène, côté gauche, on appelle ça, le côté jardin, et c'est de ce côté qu'il va rentrer dans les méandres de cette scène de manière à pouvoir faire l'entrée que nous avions décrite d'ailleurs, Anthony, toi et moi, lors de ce Stade de France, qui est une entrée, tu sais qu'on a beaucoup parlé d'ailleurs au sujet de Michael Jackson quand il est fait le Super Bowl, mais c'est une entrée un peu à la Michael Jackson où il reste assez longtemps à haranguer le public sans bouger et sans rien dire, c'est ça hein ? C'est-à-dire que maintenant Johnny peut se payer le luxe de faire une entrée comme ça, c'est pas donné à tout le monde, c'est-à-dire que voilà, il y a un rideau de feu et derrière ce rideau de feu, Johnny, les gens planté dans le sol, stoïque, attend la fin des flammes et tout d'un coup un halo de lumière, là il fait jour mais permet de le découvrir et il attend sans rien faire, sans bouger, il boit les applaudissements et ça peut durer jusqu'à plus de 2 minutes, hein, certains musiciens me disaient, c'est-à-dire qu'avant qu'il enchaîne sur le premier mot de la chanson Ma Gueule qui ouvre le spectacle, Johnny peut attendre 2 minutes stoïque face à la foule qui l'acclame. C'est une entrée spectaculaire, vraiment. Et là, Johnny est en train de se faire mettre ses ears monitors, c'est-à-dire ses écouteurs qu'ils ont dans les oreilles pour chanter, qu'il a dans les oreilles pour chanter. Ouais. Et il se passe un truc étonnant. Il a un coiffeur qui s'appelle Mathieu, et Mathieu est en train de lui donner un dernier petit coup de peigne. Johnny est extrêmement concentré. Il a ses ears monitors. Il vient de les caler sur ses oreilles. Et là, il est en train de monter l'escalier. Alors ça se passe derrière la scène. Voilà. Alors là, Johnny, il est, je suis à 1m50 derrière lui. Je veux surtout pas le déranger. Il est toujours à côté de Mathieu. Il y a sa maquilleuse qui était pas très loin, qui lui a donné une dernière retouche. Johnny est fin prêt. Bernard Schmitt, qu'on a eu tout à l'heure en direct avec nous sur l'antenne, est derrière. Et voilà que commence ce spectacle, Anthony. Alors on vous en a souvent parlé de ce début de spectacle. Les yeux du phénix s'allument d'abord. Exactement, l'aigle métallique aux yeux rouges lumineux déploie ses ailes sur le champ de Mars, juste derrière la tour Eiffel, un ciel bleu, quelques nuages, et la batterie qui tombe du ciel, du haut de la scène. Ça fait donc quand même 30 mètres de haut pour le batteur qui n'a pas le vertige et qui est donc dans sa niche, qui descend petit à petit pour arriver à hauteur de la scène. Et à partir du moment où le batteur touchera le sol de la scène, je pense qu'on aura déjà un premier feu d'artifice avec le mur d'étincelles qui va exploser devant la Tour Eiffel. Ouais. C'est vraiment un très bon moment. Batteur que je vois en gros plan là est un barbu, très jeune, avec des cheveux blonds très très longs. Il est très costaud et il tape très très fort sur sa batterie pendant qu'elle est en train de descendre. Il est quasiment à mi-chemin en Anthony là. Le spectacle est vraiment en train de commencer. D'ailleurs, bizarrement, le public écoute religieusement. C'est toujours comme ça au début des concerts, c'est vrai. Les fans ont attendu ce moment. On l'entendait sur l'antenne d'RTL pour certains depuis hier. Ils étaient déjà là avec c'est un vrai sac de couchage. Ouais. Et ils s'étaient préparés à vivre ce moment. Donc là, c'est un peu le moment religieux. On attend l'entrée en scène de Johnny. Des éclairs des éclairs bleus de lumière, comme si l'orage... D'ailleurs, il est tombé quelques gouttes tout à l'heure, mais l'orage est très vite parti. Voilà, il fait très beau maintenant. Il fait très beau. C'est un oiseau de bon augure qui surplombe la scène. Ouais, tu as raison. Voilà, alors là, le batteur vient de se lever. À la fois sur sa grosse caisse et sur sa timbale. Et on reconnaît l'introduction de la chanson Ma gueule. Ça commence à... Voilà, les étincelles. Vous allez entendre certainement la réaction du public. Le mur de feu cache la scène. Et c'est derrière ce mur que Johnny vient s'installer pour apparaître dans quelques instants et pour entamer la chanson Ma gueule. Et déjà des feux d'artifice dans l'arrière-scène. Hein. Ouais. Je sais pas si c'est normal. Très impressionnant. C'est très impressionnant et je suis dessous, donc je n'ai plus de cheveux. Alors, tout vient de s'arrêter. Johnny est debout face à son public. Pantalon noir, Anthony nous le décrivait. Cette veste qui scintille de 1000 diamants. Il tourne la tête, gauche, droite. L'air sérieux, l'air grave. Il fronce un peu les sourcils. Il hoche la tête. Il prend la température là, de la salle. Il se dit, voilà. Je me trompe, Anthony, ou il a l'air ému? Il est déjà très ému. Il a effectivement le regard braqué au loin, comme s'il regardait la dernière personne des 800 000 amassés devant lui. Il a plaqué son micro contre son cœur. Exactement. Et c'est cet instant qui peut durer. Voilà, Johnny est quasi ému aux larmes. Ouais. Hein. Alors, pour ceux qui sont très très loin d'ailleurs, parce que ça peut faire jusqu'à 200-300 mètres, je sais pas, ou 500 mètres, jusqu'à l'école militaire, il y a des écrans géants qui le montre en fait cadré américaine, c'est-à-dire à la taille. Et on le voit, Johnny ne bouge pas, il a collé le micro contre son cœur. Maintenant il sourit. Et le public chante Johnny Hallyday. Les musiciens sont masqués derrière un rideau noir qui va tomber dès que Johnny aura prononcé les premiers mots de la chanson Ma gueule. Pour l'instant, ils attendent que Johnny veuille bien commencer la chanson. Et Johnny boit, c'est ce que je vous disais, on a vraiment l'impression qu'il boit tout cet accueil, ces applaudissements. Il prend des forces là pour tenir 2h15. C'est un concert un peu écourté auquel nous aurons droit, puisque normalement Johnny chante pendant 2h45. Et là c'est une version, une formule de 2h15. On aura quand même 80% des chansons ce soir en direct sur RTL. Anthony, est-ce que tu as pu échanger avec Johnny sur ce qui se passe dans sa tête à ce moment-là du concert, sur à quoi il pense, sur comment il est, sur dans quel état d'esprit il est? Johnny qui lève la main là pour saluer le public, il sait vraiment. Et voilà. C'est parti. Tu me raconteras tout à l'heure. Bien sûr. On est en direct sur RTL. Qu'est-ce qu'elle a ma gueule ? Quelque chose qui ne va pas. Je prends l'eau, souvent un seul regard suffit pour vous planter mieux qu'un couteau. Et quoi ma gueule? Qu'est-ce qu'elle a ma gueule? Si tu veux la payer, viens je rends la monnaie. T'as rien dit, tu l'as déjà dit. On ne va pas y passer la nuit. Ma gueule. Et moi on est sorti, on cherche une... cherchant un livre. La scène est éclairée de bleu. C'est pas un des deux batteurs qui font la rythmique. Johnny est au milieu de la scène. Sourire carnassier. Et il vient de cogner comme dans un punching ball pour annoncer. Chant libre en direct sur RTL. Et les cuivres arrivent. Et en direct sur Érigé. J'étais tout seul, je suis parti et je ne voulais pas m'arrêter. Une autoroute, je l'ai suivie, il a fallu que je te trouve. RTL, le concert Chant Libre. En direct sur RTL, le concert Chant Libre. Et Johnny Hallyday, je veux te graver dans ma vie. Bonsoir. Ça va? Nous sommes très heureux d'être avec vous ce soir. Je vous souhaite à tous un très joyeux 14 juillet. Et je suis très heureux de le fêter avec vous ce soir. Je vous préviens, n'approchez pas. Que vous soyez flic ou pas tout, je tue celui qui fait un pas. Je ne ferai pas de cadeau. Éteignez tous ces projecteurs et baissez vos fusils pointés. Thank you. À la Tour Eiffel, le 14 juillet 2009. Ça, c'est un concert, ici, devant la Tour Eiffel, que je n'oublierai jamais. très heureux d'avoir été là et de pouvoir faire ce spectacle avec vous ce soir. Merci de nous avoir suivis tout au long de ces années. Merci d'être venu surtout ce soir fêter ce 14 juillet avec nous. Oh Dieu, que je vous aime. C'est RIG, la radio de Johnny Hallyday, le mercredi de 22h jusqu'à minuit. Et ce soir, émission live spéciale Tour Eiffel. On écoute actuellement Johnny Hallyday à la Tour Eiffel le 14 juillet 2009. Et ce titre, à présent, ça ne finira jamais. retrouver la présentation de RTL par Eric Jean-Jean et Anthony Martin. Je vois des millions de mains levées, lumière blanche. Alors ça, c'est la dernière chanson du show. Hein. C'est le final, ouais. Reprise de cette chanson de Gilbert Bécaud, qui tient tant à cœur à Johnny. Ouais, et maintenant. Et alors après, je vous retrouverai, mais alors en direct sur scène. Tu es fort. Ouais. C'est surtout parce que notre ami Camus me l'a demandé. Et ça se passe sur RTL. Johnny est descendu de la trappe sur scène. Voilà. Et le concert touche à sa fin, mais pas cette soirée exceptionnelle sur RTL. Johnny vient à l'instant de descendre de scène. Il est vêtu d'un peignoir blanc, accompagné et tenu par le bras par Laetitia. Et il va faire ce qu'on appelle dans le jargon du show business une fuite. C'est-à-dire qu'il va monter. À l'heure où je vous parle, il est à 10 mètres de moi et il s'apprête à monter dans une berline noire, dans sa voiture, pour très certainement rejoindre sa maison de la région parisienne. Voilà, Johnny va quitter le Trocadéro. Merci RTL d'avoir présenté ce fameux live de Johnny Hallyday. C'était le 14 juillet 2009 et Johnny remettra ça deux ans et demi plus tard. C'était le 3 décembre 2011. Johnny donna un concert privé le 3 décembre 2011 au premier étage de la Tour Eiffel après avoir dévoilé sa tournée de concert, les premiers depuis ses problèmes de santé, lors d'une conférence de presse en fin de journée. Le concert a été réservé à la presse accréditée et à des fans déjà sélectionnés. Et selon le service de presse, aucune place n'était disponible et le concert a été diffusé quelques jours après sur le site liveatom.tv. Et au cours de l'événement, Johnny Hallyday interpréta une chanson inédite qui était proposée en téléchargement gratuit sur internet le lendemain, un cadeau au public et à ses fans, à l'occasion de son retour sur scène avec sa tournée 2012. Cette chanson s'appelle Autoportrait, composée par John Maman, un titre très énergique présenté comme un tube potentiel. Et dans ce mini-concert diffusé à la télévision sur TF1 et plus tard sur TMC, Johnny Hallyday répondait aux questions de la Tour Eiffel. Mais on retrouve le public qui assistait à ce concert spécial, ce concert très privé. Je suis lâche, je suis fort, je suis tout ce que tu veux. Qu'est-ce que vous attendez ici? J'attends pour assister au concert privé de Johnny. Pourquoi vous savez qu'est-ce qu'il va annoncer? Bah, il va annoncer la lancée de sa tournée, ouais. 2012. Ouais. Et puis après, il va nous faire un petit concert rien que pour ses fans. On est une petite poignée de chanceux à avoir été sélectionnés. Ça va se dérouler où en bas? Au premier étage normalement. Oui, exactement. Ouais. On profite au maximum le temps qu'il est là et voilà, il nous apporte du bonheur, plein d'énergie, c'est le principal. Et vous avez... c'est parti pour un an. Et la Belgique avant le Stade de France. Et la Belgique avant le Stade de France. Moi, quand je te fais une scène, on m'a fait tant d'autoportraits qui me ressemblent très pauvre. C'est par rapport au fan club, ils nous ont gentiment invités par un questionnaire et puis voilà, quoi. Donc on a bien répondu, on était gentils. Après on va le suivre. Jusqu'au bout du monde. Je pense qu'on est monté bien haut encore une fois. Donc, et pourquoi vous pensez qu'il y a un... C'est génial. C'est même fantastique. Vous pouvez me décrire un peu le livre On est sous la Tour Eiffel, sous les étoiles, puisque tout scintille, et puis on va voir notre Johnny, donc impeccable. Je suis moi, je suis l'autre, je suis tout ce qui existe, le pardon. Alors oui, enfant, je venais souvent, souvent vous voir, mademoiselle la Tour Eiffel. Mais d'en bas, je n'étais jamais monté dessus. Si on est les emblèmes français les plus connus, en tout cas moi je ne sais pas, mais en tout cas la Tour Eiffel, ça oui, j'en suis sûr, oui. On a tous quelque chose en nous de Tennessee. Volonté de prolonger la nuit, ce désir fou de vivre notre vie, ce rêve en nous avec ses mots à lui, quelque chose de Tennessee, cette force qui nous pousse vers l'infini, il y a peu d'amour avec tellement d'envie, si peu d'amour avec tellement de bruit. Quelque chose en nous de Tennessee. Ainsi vivait

Bah alors, Autoportrait est une chanson que j'ai voulu enregistrer parce que c'est John Maman qui me l'avait fait écouter, il l'avait écrite pour moi. Et c'est une chanson qui m'a marqué tout de suite quand je l'ai entendue. Les gens ont tellement fait un autoportrait sur moi, qu'ils me disent c'est un clin d'œil, c'est une façon de répondre un petit peu à tous ces gens qui ont écrit un petit peu n'importe quoi sur moi. Je suis lâche, je suis fort, je suis tout ce que tu veux. Hey! Un héros, un cador, un prince, un prétentieux. Je suis fier, je suis bon, on peut dire généreux. Je suis moche, je suis con, dans un temps sérieux. Je suis grand, je suis roi, quand j'arrive sur la scène. Je suis qui, je suis quoi, quand je te fais une scène. On m'a fait tant de ton portrait. J'avoue que je ne sais pas vraiment qui je suis ni à quel moment. Et ce qui est vrai, je le jure, c'est que je ne serai plus personne. Viens à toi, tu m'abandonnes. Hey. Je suis sage, je suis fou, orgueilleux, infidèle. Je suis double et jaloux, pensant et rebelle. Je suis moi, je suis l'autre, je suis tout ce qui existe. Le pardon est la faute, je suis le vrai artiste. On m'a fait tant de ton portrait, me ressemble très portrait. J'avoue que je ne sais pas vraiment. J'ai un jour toi tu m'abandonnes. J'ai un jour toi tu m'abandonnes. Aïe. On m'a fait tant de ton portrait qui me ressemble et très portrait. Je ne sais pas vraiment qui je suis ni à quel moment. Et ce qui est vrai, je le jure, c'est que je ne serai plus personne. Tu es un toi qui m'abandonne. T'as bien chanté. Tu as bien chanté, bravo. Johnny Cheesecake. Merci, j'ai entendu. Est-ce que tu as aimé mon Cheesecake, Johnny? Ah ben, je suis encore là. Merci, Johnny. Est-ce que tu as vu mon livre? Bienvenue chez Johnny. Oui, super. Vrai ou faux? Vrai. Voilà, pour Jack, Johnny. Presque tout. Pour Jack. Presque tout. Merci, ça c'est le ticket de la Tour Eiffel. Bonjour, c'est vous. Qu'est-ce que ça fait comme effet de chanter sur la Tour Eiffel? Merci beaucoup, Johnny. Qu'est-ce que ça fait comme effet de chanter sur la Tour Eiffel? Bah, c'est émouvant, j'ai toujours chanté en dessous alors. Ah oui. Enfin, j'ai chanté au-dessus. Oui, voilà. T'as bien chanté. Bravo, c'est très bien. Tu aimes vraiment le livre? Tu aimes vraiment le livre? Non, il est bien le livre, il y a des choses inexactes. Hein. C'est vrai? Mais... C'était l'After Showcase, bien sûr. Merci encore à tous d'avoir participé à l'émission Johnny de A à Z, la 565e, avec le live sur la Tour Eiffel ou sous la Tour Eiffel. Johnny retraçant la Tour Eiffel en 2000, 2009 et 2011. À très très bientôt pour une prochaine émission. Et puis ce podcast, cette émission, vous la retrouvez en podcast à partir de demain. Bonne nuit à toutes et à tous. Ciao, ciao.